Combien se dit quanto? Quanto. Quelle quantité? Quanto. Combien? À ne pas confondre avec quando, qu'on a déjà vu et qui veut dire quand. Hein? Quando. Quando avec un D. Hein? Ça veut dire quand. Quanto avec un T, c'est combien. Alors, pouvez-vous me dire combien c'est? Ça sera? Puede. Puede, oui. Me dire? Decirme. C'est ça. Puede decirme. Combien c'est? Quanto es? Attention, hein, il faut bien insister sur le an de quanto. Puede decirme quanto es? Et comment direz-vous j'en ai besoin? Lo necesito. C'est ça, lo necesito. Et je veux l'avoir. Et se dit i. Ah oui. I. Je veux. Quiero. On révise là encore une fois. Quiero. Oui, c'est ça. Quiero. L'avoir. Tenerlo. Bien. Quiero tenerlo. Je veux l'acheter. Quiero. Encore une fois. Quiero. Quiero, oui. L'acheter. Comprarlo. Comprarlo. Hein? Comprarlo. Quiero comprarlo. Je veux l'acheter. Si, le si de condition, se dit comme en français. Si. Si. S-I. Si. Tout comme oui, qui se dit également si en espagnol. Mais il prend un accent aigu sur le i. Alors, comment direz-vous si c'est cher, je ne peux pas l'acheter? Si c'est cher. Si es. Cher. Si es. Je ne me souviens plus du mot. Cher, c'est. Caro. Caro, oui. Si es caro, hein? Si es caro, si c'est cher, je ne peux pas l'acheter. No puedo. Oui, d'accord. No puedo l'acheter. Comprarlo. C'est ça. No puedo comprarlo. Et je veux l'acheter, mais si c'est très cher, je ne peux pas le faire. Je veux l'acheter. Quiero comprarlo. Quiero comprarlo. Oui, mais si c'est très cher, pero, pero, hein, il faut insister sur p, pero, pero, si c'est très cher, si es muy caro, c'est ça, si es muy caro, je ne peux pas le faire, no puedo le faire, hacerlo, d'accord, no puedo hacerlo, encore une fois. Je veux l'acheter, mais si c'est très cher, je ne peux pas le faire. Quiero comprarlo, pero si es si c'est très cher. Ah oui. Si es muy caro. Quiero comprarlo, pero si es muy caro, je ne peux pas le faire. No puedo hacerlo. Bien. Je veux l'acheter. Quiero comprarlo. Mais si c'est très cher, pero si es muy caro, je ne peux pas le faire. No puedo hacerlo. Quiero comprarlo, pero si es muy caro, no puedo hacerlo.